Chapitre 68e. Ah ça, mon oncle, s'écria Rocambole, à quoi diable penses-tu ? Un sourire glissa sur les lèvres muettes de l'aveugle. Comment ? Reprit Rocambole, tu me fais assassiner un homme pour lui reprendre ces deux pièces, dont l'existence peut assurer au duc de Château-Mailly la main de mademoiselle de Salandrera. Et ces deux pièces, une fois en notre possession, tu ne veux pas que je les détruise ? Non. Pourquoi ? Sir William s'écrivit. C'est une poire pour la soif. Hein ? Je ne comprends pas. L'aveugle écrivit encore. On ne sait point ce qui peut arriver. Mademoiselle de Salandrera peut fort bien se brouiller avec toi. Rocambole haussa les épaules. Le hasard est grand, poursuivit l'aveugle au moyen de son ardoise. Au dernier moment, il arrive des dénouements imprévus. Qui sait ? Mais tu radotes, mon oncle. Qui sait si dans 8 jours, dans 15, dans 1 mois, tout ne sera pas rompu entre toi et Concepcion ? Tu es fou. Alors, monsieur de Château-Mailly paiera volontiers 1 000 000 ces 2 bouts de parchemin jauni. Tiens, dit Rocambole, c'est une idée, cela, mon oncle. Tu vois bien. Et que faut-il faire de ces 2 pièces ? Les garder. Mais si on les trouvait en ma possession ? Bon, écrivit Sir Williams. Voilà que tu oublies que tu es. C'est juste. On me nomme le marquis de Chamery. Et la police sera loin de jamais me soupçonner. Et Rocambole mit les 2 lettres dans sa poche. As-tu quelque chose à me dire ? Non. Je n'ai rien à faire jusqu'au retour de Concepcion, absolument rien. Rocambole quitta Sir William et descendit chez lui dans l'intention d'y cacher soigneusement les 2 parchemins. Mais une réflexion l'arrêta. Non pas, se dit-il, on ne sait ni qui vit ni qui meurt. Je pourrais être tué demain en duel ou recevoir une tuile sur la tête un jour de grand vent. On passerait l'inspection de mes papiers et le marquis de Chamery serait déshonoré après sa mort. Je ne veux pas de cela. C'est rue de Suresnes que je les mettrai en sûreté. Là, on ne connaît que M. Frédéric et on ne sait pas ce que c'est que le marquis de Chamery. Et Rocambole remit les 2 parchemins dans sa poche. Comme il sortait pour les mettre son trésor en sûreté, il rencontra Fabien. Le vicomte accueillit son beau-frère avec un sourire mystérieux. « Ah ça !» lui dit-il tout bas. « Quelle vie mènes-tu donc ?»« Chut !» fit Rocambole. « On ne t'a pas vu hier, depuis midi. Mon cher, » dit Rocambole en riant, « Je suis le contraire de Roland de Clayet. Il prône ses bonnes fortunes, je cache les miennes. »« Et tu as raison, » dit le vicomte, qui n'insista pas. Le marquis reprit. « Je viens de voir mon aveugle, qui se porte comme un charme. »« Le pauvre homme, » dit Fabien. « Et, » continua Rocambole, « je vais faire un tour au bois. »« Dînes-tu avec nous ? Je le veux bien. »« Adieu, à ce soir. » Les 2 jeunes gens se séparèrent, et Rocambole monta à cheval pour faire, comme il le disait, un tour au bois. Seulement, il passa par la rue de Suresnes. Le marquis rentra vers 4 heures et trouva une lettre de Concepcion qui venait d'arriver par la petite poste. Cette lettre disait « Je vous écris à la hâte, mon ami, pour vous dire que nous sommes arrivés ce matin à Paris. Ma mère et mon père morts et tristes comme à l'ordinaire, depuis le trépas de Don José. Moi, inquiète, troublée et cependant heureuse, car je vais vous revoir. Cependant, mon ami, ne vous faites pas trop de joie. Nous sommes encore bien loin l'un de l'autre, et il nous faudra vaincre bien des difficultés, surmonter bien des obstacles. Venez ce soir, nous causerons. Concepcion. » Le marquis dîna chez la vicomtesse, sa sœur, alla faire un whist à son cercle, et en sortit à 12:15. C'était l'heure du rendez-vous. Comme les précédentes fois, le négrillon de mademoiselle de Salandrera attendait à la porte du jardin. Rocambole savait que si l'exactitude est la politesse des rois, elle est plus encore celle des amoureux. 12:00 sonnait au moment où il franchissait le seuil de l'atelier. Mademoiselle de Salandrera, assise dans un grand fauteuil, essaya de se lever à sa vue et n'y put parvenir tant son émotion fut grande. Rocambole alla vers elle, silencieux, lui prit la main et mit un baiser en s'inclinant respectueusement. Pendant quelques minutes, les 2 jeunes gens se regardèrent sans échanger un mot. Enfin, Rocambole parut dominer une émotion qu'il n'avait jamais éprouvée et il dit à la jeune fille « Pour la première fois, depuis 1 mois bientôt, je retourne mon cœur et mon âme. Je ne vivais plus que par le souvenir. » Concepcion serra convulsivement sa main. Rocambole poursuivit. « Depuis que vous êtes parti, je comptais les jours. Depuis que j'attendais votre retour, je comptais les heures. Et depuis tantôt que votre billet m'est parvenu, les minutes ont été pour moi des siècles. » Concepcion put parler enfin. « Mon ami, lui dit-elle, essayant d'imprimer à sa voix un calme menteur, vous avez moins souffert que moi. Oh, vous receviez mes lettres. Et moi, hélas, murmura le faux marquis, je ne pouvais vous écrire, n'est-ce pas? Oh, le silence, dit la jeune fille en tremblant, l'horrible chose que le silence, de savoir ce que font, ce que pensent ceux qui sont loin de nous, parfois craindre l'oubli, se demander parfois s'ils existent encore et si, peut-être. Oh, taisez-vous, Conception, taisez-vous, fit Rocambole avec passion. Vous allez calomnier l'homme qui mourrait pour vous en souriant. L'Espagnol soupira. Savez-vous, dit-elle, comme si elle eût voulu détourner l'entretien de ce terrain brûlant où semblait vouloir le placer la passion du jeune homme, savez-vous, mon ami, que j'arrive à Paris, pleine d'angoisse, de terreur? Vous, mon Dieu, elle soupira. Mais quel est donc le nouveau danger qui vous menace? Et Rocambole, se redressant, ajouta avec un ton et un geste chevaleresque, « Ne suis-je pas là ?»« Mon ami, dit Conception, vous m'avez sauvé de Don José, n'est-ce pas ? Sans doute. Mais peut-être ne me sauverez-vous pas de la volonté de mon père. Que voulez-vous dire ? Eh, mon Dieu, murmura Conception, mon père est dévoré d'ambition pour moi, pour vous. Il veut que je sois duchesse, il veut... Tenez, depuis notre départ de Salandrera, ce n'est plus cet homme frappé de la foudre qui s'évanouissait aux funérailles de Don José. Il est redevenu le Don Paez, duc de Salandrera, qui rêve de transmettre son nom et ses titres à un homme qui sera son égal par la naissance et la fortune. Son orgueil de race s'est éveillé violent, tyrannique, aveugle. « Je comprends, murmura Rocambole. Je ne serai jamais à ses yeux qu'un pauvre gentilhomme indigne de son alliance. Oh, ne prononcez point un mot pareil. Je ne suis pas duc, je ne suis pas riche. Mais je vous aime !» exclama la jeune fille avec élan. Rocambole crut le moment opportun pour faire du désintéressement et de la générosité. « Écoutez, mademoiselle, descendez au fond de votre cœur. Interrogez-vous avec calme, avec sang-froid. Que voulez-vous dire ? Et demandez-vous si en ce moment, vous n'obéissez pas à une reconnaissance aveugle. Y pensez-vous, mon Dieu ? Qui sait ? Peut-être vous croyez-vous engagé vis-à-vis de moi parce que je vous ai sauvé. Oh ! Tenez, Conception, poursuivit Rocambole d'une voix émue, soyez forte et raisonnable. Si votre père rêve pour vous une noble alliance, obéissez-lui. Ah, vous êtes cruel. Oubliez-moi. Jamais, jamais. J'essaierai de vous oublier, moi, continua le faux marquis avec une émotion croissante. Et si je ne le puis ? Conception poussa un cri étouffé et elle lui tendit spontanément les deux mains. Ah, vous voulez donc me faire mourir en me parlant ainsi ? Comme il pressait ses mains et les couvrait de baisers. Mon Dieu, murmura-t-elle, il a douté de moi. Conception. Mais vous ne savez donc pas, fit-elle avec véhémence, que le serment d'une Salandrera est chose sacrée et que je me suis juré d'être votre femme un jour. Elle se prit à fondre en larmes. Alors Rocambole se mit à genoux devant elle, tenant toujours ses deux mains dans les siennes, et ils échangèrent de nouveaux serments. Et quand, une heure après, le faux marquis sortit de l'atelier, il traversa de nouveau les jardins de l'hôtel conduit par le nègre. Les deux amants s'étaient jurés de fuir au bout du monde plutôt que d'être séparés à jamais. « C'est égal, » murmura Rocambole, au moment où la porte des jardins se refermait derrière lui. « Je puis me flatter d'avoir fait une assez belle conquête, et mon oncle, Sir Williams, a quelques raisons d'être fier de moi. Lui, qui était un vrai vicomte et qui avait reçu une éducation soignée, n'aurait pas mieux fait. Peste. Si ce pauvre papa Niccolo, que j'ai fait raccourcir, venait de l'autre monde, portant comme Saint-Denis sa tête à la main, il serait joliment épaté. Et la veuve fit part, donc. En prononçant le nom de sa mère adoptive, Rocambole tira de sa poche un bel étui en cuir de Russie dans lequel il prit un cigare pur à banne. « Une seule chose manque à ma félicité, murmura le bandit, un peu de feu. Mais comme si le ciel eût voulu exaucer son vœu, il aperçut à une trentaine de pas sur le boulevard des Invalides un point lumineux qui semblait se mouvoir. C'était une lanterne d'un chiffonnier. « Ne serions pas fiers à 2 heures du matin, » pensa le faux marquis, « et allons demander de la lumière à Diogène. » Il marcha droit au chiffonnier. Ce chiffonnier était une femme. « Hé, la mère à la haute, » lui dit Rocambole, « peut-on s'allumer à votre lanterne ?» À cette voix, à ces paroles, la chiffonnière s'arrêta court et laissa tomber son crochet. Rocambole fit 3 pas encore et le reflet de la lanterne tomba d'aplomb sur son visage. « Ciel de Dieu !» s'écria la vieille femme d'une voix enrouée par l'abus de 3-6. « C'est mon fils !» Rocambole recula. « Oh, je te reconnais bien !» poursuivit la vieille, qui jeta son crochet et ouvrit les bras pour y presser le fringant marquis. « C'est bien toi, quoique ta figure ait changé. C'est bien toi, Rocambole !»« Vous êtes folle, la vieille femme !» dit le faux marquis, reprenant sa prononciation un peu anglaise. « Folle ? Non, mon fieu, tu es bien Rocambole, le fils chéri à maman Fipard. » Et la veuve Fipard, car c'était bien elle, voulut se jeter au cou de Rocambole. Mais il la repoussa avec dédain. « Arrière, vieille ivrognesse, je ne vous ai jamais vue, et Dieu garde un homme de ma qualité. De quoi ? De quoi ? » fit la veuve Fipard de sa voix enrouée. « Tu fais des manières ! T'es donc devenu fier et ingrat ?» Rocambole sentait la sueur perler à son front. Évidemment, la chiffonnière l'avait bien reconnu, et elle le reconnaîtrait encore si elle venait à le rencontrer en plein jour. Le marquis comprit qu'il fallait capituler. « Silence, » dit-il tout bas, « peux-tu causer ? Ah, tu me reconnais donc ? Eh oui, par Dieu ! Nous sommes donc toujours le petit Rocambole à maman Fipard ? » continua-t-elle de son horrible voix qu'elle essaya de rendre caressante. « Toujours !» Et Rocambole, changeant de ton, d'attitude, ne dédaigna point de se jeter dans les bras de la veuve Fipard et de souiller ses habits élégants au contact de ses haillons. Mais en la pressant contre son cœur, le jeune homme lui dit « Parle bas, maman, et éteins ta lanterne. Pourquoi ? Parce que la rousse est après moi. Et tu es mis comme un prince ? Ça ne fait rien. » La vieille éteignit sa lanterne. Alors Rocambole jeta un regard défiant autour de lui. La nuit était noire, le boulevard désert. « Viens là-bas du côté de l'eau. Nous irons nous asseoir sous le pont, » continua Rocambole. « Il n'est que là que nous pourrons causer. » Et il ouvrit galamment le bras à l'horrible vieille. « Ah, je savais bien, » murmura-t-elle avec émotion, « que t'étais toujours le Rocambole à sa maman Fipard. « Oui, oui, mais tais-toi. » Et Rocambole jetait un regard plein de défiance autour de lui, et il entraînait la chiffonnière dans une direction opposée à celle où se trouvaient sa voiture et ses gens. Il la conduisit ainsi jusqu'au pont de Passy, la fit descendre sous l'arche et s'assit avec elle sur le chemin de halage. Un profond silence régnait autour d'eux. On n'entendait que le sourd clapotement de l'eau contre les piles du pont. Ils étaient plongés dans les ténèbres, tant la nuit était obscure, et à peine apercevaient-ils les réverbères lointains qui éclairaient si mal les deux quais de la Seine en aval du pont de la Concorde. « Maintenant, dit Rocambole, tu peux larguer ton chiffon rouge. « C'est cela, » dit la vieille, jaspinant. « Où demeures-tu ? Je suis à Paris depuis 15 jours seulement. Je suis allé te chercher partout sans te trouver. « Vrai ? Tiens, cette bêtise, est-ce qu'on oublie sa maman Fipard comme ça ? Tu m'as oublié pendant 5 ans. « Ah, dame, c'est pas ma faute, j'étais à l'ombre. « Hein ? Oui, au vert, comme tu voudras. « Au pré, juste. Je viens de faire 4 ans de Botany Bay, ce qui est comme la colonie des forçats anglais. « Hein ? C'est les Anglais ? Oui. Et tu as fini ton temps ? J'en ai encore pour 26 ans. Mais je me suis donné de l'air. J'ai fait 2 lieues à la nage, et un navire américain m'a pris pour matelot. Et tu es à Paris depuis 15 jours. As-tu de l'auberge ? La mère Fipard employait, on le voit, le pur langage des prisons et des bagnes où l'argent est appelé l'auberge. Un peu. Je travaille avec 2 pickpockets. Je me remonte. Et toi ? Moi, j'ai eu des malheurs. Tu vois bien que je suis chiffonnière maintenant. Ah, soupira la Fipard. Tout ça a bien mal tourné. Il paraît que Sir Williams, le capitaine, comme nous l'appelions, a perdu sa langue à la dernière bataille. Du moins, c'est ce que m'a dit Venture. Rocambole tressaillit. Comment ? Dit-il. Tu vois Venture ? Souvent. Nous prenons un petit verre de temps en temps. Où demeures-tu ? À Clignancourt. Et lui, place Belhomme. Diable, maman, pensa Rocambole. C'est une mauvaise affaire pour toi d'être en relation avec Venture et de m'avoir rencontré. Puis il dit tout haut. « Eh bien, ma vieille, j'irai te voir. »« Quand ? Demain. »« Bien sûr, l'enfant chéri. En attendant, je vais te donner 2 louis. »« 2 louis ? » s'écria la veuve Fipard, qui depuis longtemps n'avait pas eu 100 sous à sa disposition. « Alors le roi n'est plus mon cousin. » Rocambole fit mine de fouiller dans sa poche, mais tout en prenant 2 pièces d'or, il prêtait une oreille attentive aux bruits vagues et lointains qui lui arrivaient. Puis, tandis que la veuve Fipard tendait avidement la main et recevait les 2 louis, Rocambole eut un élan de tendresse. « Chère maman, » dit-il, et il lui passa ses bras autour du cou en murmurant. « Je t'adore. « Tu m'étouffes, » dit-elle. « C'est-à-dire que je t'étrangle, » répondit-il. et ses deux mains s'arrondirent autour du cou de la veuve Fipard. Ils formèrent un étau, serrèrent encore, et plus fort. La vieille essaya de se débattre, mais Rocambole avait des mains d'acier. « Ah, tu m'as reconnu, » dit-il, « et tu connais toujours Venture. » La veuve Fipard se débattit quelque temps encore, puis ses mouvements convulsifs diminuèrent par degrés et finirent par s'éteindre. Alors, Rocambole la poussa rudement et la jeta dans la Seine. Le flot noir qui passait emporta le cadavre vers les filets de Saint-Cloud, et le marquis de Chamery regagna sa voiture. Ainsi s'achève Une fille d'Espagne, tome premier des exploits de Rocambole, par Ponson du Terrail.